بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الدكتور إبراهيم في صفحة 13-14: ثانيا، ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام، إيمانا هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا. ومن قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي ومن حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. إيه شيخ ربي حفظه الله تعالى لديك الدكتور إبراهيم الرحيلي يدي على page 13-14. deuxièmement, il faut savoir que les gens de la sunna véridiquement ce sont ceux qui se soumettent complètement à l'islam au niveau des croyances, au niveau des comportements. Et il dit, ça fait une diminution, c'est une diminution dans la compréhension, le fait de croire que le sunni ou le salafi, c'est tout simplement celui qui a accompli les croyances des gens de la sunna sans s'occuper du comportement islamique, et sans s'acquitter des droits des musulmans entre eux, et s'occuper des droits des musulmans entre eux. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أصول أهل السنة في الاعتقاد، ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. Cheikh Rabi Hafidah Allah Ta'ala de continuer de le citer dans ce paragraphe qu'il va critiquer après les paroles qu'a citées Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Et parmi les paroles qu'il a citées, que cite Cheikh ici, que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a dit dans la fin de l'Aqid al-Wasitiya, après avoir évoqué les fondements des gens de la Sunna dans leurs croyances, et il a dit, après, avec ces fondements, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, selon les obligations de la législation, et ils voient qu'il faut qu'accomplir le hajj et le jihad et les prières du vendredi, ainsi que les prières des fêtes avec les gouverneurs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient pervers, qu'ils soient dévoués pour Allah et sur la bonne voie, ou qu'ils soient pervers, du moment qu'ils... Et il dit que les gens de la sunna préservent les jama'at, C'est-à-dire les jama'at, c'est-à-dire les prières dans les mosquées, toutes les unions qu'il y a entre les musulmans que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Et ils prennent comme religion le conseil pour la communauté. Et ils croient en le sens de la parole du messager alayhi salam, de ce hadith authentique. Le croyant pour le croyant est comme la construction. Une brique est attachée à l'autre. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a entremêlé entre ses doigts. Et aussi, il croit en la signification de la parole du prophète alayhi salatu wasalam, l'exemple des croyants, dans leur fraternité, dans leur clémence entre eux, dans les sentiments qu'ils ont mutuellement entre eux, ils sont comme le même corps. Quand un membre du corps souffre, les autres parties du corps souffrent aussi. Ils sont atteints de la fièvre. Hein? يقول والكلام لا زال لابن تيمية ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Et les paroles sont toujours ces paroles citées par Cheikh Ibrahim Al-Ruhaili qui sont de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans ce qui est cité ici, dit: ils ordonnent le bien et ils ordonnent la patience au moment des épreuves, ils sont reconnaissants et remerciants au moment de la facilité et de l'aisance, ils acceptent, ils agréent le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils appellent au noble comportement, ils appellent au noble comportement. Ils appellent au noble comportement. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من رحمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وكذا يأمرون بصلة الرحم وحسن الجوار وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. Que tu entretiens la relation avec celui qui a coupé sa relation avec toi, et que tu donnes à celui qui t'a privé, et que tu pardonnes celui qui a été injuste avec toi. Tout ceci, ce sont les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, qui sont dans ce passage que va critiquer Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala. Et il pardonne celui, et que tu pardonnes celui qui a commis une injustice sur toi, et ils ordonnent le fait d'être obéissant aux parents, comme ils ordonnent le fait d'entretenir la relation familiale et d'être bon avec son voisin, comme ils interdisent aussi le fait, l'orgueil, le fait de se montrer devant tout le monde et d'être fier devant tout le monde, et le fait d'être injuste et de prendre les gens hautainement, d'être hautain vis-à-vis des gens et de se prendre au-dessus des gens sans justice. Et ils ordonnent aussi la noblesse du comportement, et ils interdisent la bassesse du comportement. Ils ordonnent le meilleur des comportements, ils interdisent les vils comportements. يقول ولا زال الكلام وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم في متبعون الكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. انتهى العقيدة الواسطية. Et toujours les paroles sont Ibn Taymiyyah, et tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font de toutes ces choses-là et d'autres choses, ce ne sont que des gens qui suivent. Dans tout cela, ils sont dans le suivi du livre et de la sunna. Et leur voie, c'est la religion de l'islam avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam. Là s'arrête la citation qu'a fait Cheikh Dr. Ibrahim al-Ruhaili de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans l'aqid al-wasitiya. On va arriver maintenant que Cheikh Rabi, il va débattre avec Cheikh Dr. Ruhaili, le fait qu'il juge dans ce passage, notamment au début, qu'il juge que celui qui est négligent au niveau du comportement ne fait pas partie des gens de la sunna. Car ce que la parole qu'a dit Cheikh Dr. Ruhaili avant suppose, dans la compréhension du sens contraire, que s'il n'est pas digne du comportement, il ne fait pas partie des gens de la sunna. C'est pour ça que Cheikh Rabi va reprendre ce passage. Il va montré le faux dans ce passage. أقول من حقق اعتقاد أهل السنة وصار على منهجهم ولاء وبراء وحصل منه قصور في الأخلاق لا يخرج عن دائرة أهل السنة إلى دائرة البعدة. وما عرفنا عن أهل السنة تبديع من يقصر في الأخلاق، وحتى لو وقع السني في بعض المعاصي لا يخرج بذلك عن دائرة السنة. الشيخ ربيع دو دير جو دي que celui qui accomplit les croyances disons de la sunna et qui va sur leur voie en accomplissant l'alliance il désaveu, et s'il est négligent au niveau, s'il lui arrive d'être négligent au niveau du comportement, il sort pas du cercle des gens de la sunna et il ne va pas être attribué aux gens de l'innovation. Il dit, nous n'avons pas connu des gens de la sunna le fait de rendre innovateur celui qui est négligent au niveau du comportement. Même si le sunni tombe dans certaines désobéissances, il ne sort pas de la voie des gens de la sunna. Taniyan. ومع هذا فأهل السنة المعاصرين كأسلافهم يعتقدون العقائد الصحيحة ويسيرون على المناهج الشرعية العظيمة ويقومون بهذه الأعمال العظيمة والأخلاق الكريمة التي لا يلحقهم فيها فرق الفتن والضلال. Deuxièmement, dit Cheikh Rabi', et avec tout ça, les gens de la sunna contemporains sont comme leurs pieux prédécesseurs. Ils ont les mêmes croyances que les croyances authentiques. Ils sont sur les voies légiférées, ces nobles voies légiférées. Ils accomplissent les nobles actes et les nobles comportements. Ils n'arrivent pas à leur cheville les équipes, les groupes de l'égarement et des fitanes. يقول شيخ ربيع حفظه الله ولكن أهل الفتن والإفك يرمونهم ظلما وبغيا بأنهم لا أخلاق لهم أو أنهم يضيعون ضيعوا الأخلاق. وهذا العمل الإجرامي ضد أهل السنة ليس وليد اليوم، بل هو تكرار لافتراء أهل الباطل من المعتزلة وغيرهم، وعلى رأسهم الجاحظ والنظام. وهؤلاء المفترون على أهل السنة السابقين واللاحقين هم أحط الناس أخلاقا من الكذب والغش والبهت في أقوالهم وأفعالهم. وهذه الأخلاق الرديئة يتحلى بها خصوم أهل السنة اليوم، ولكل قوم وارث، ولا سيما الذين يلبسون لباس السلفية ممن أشرنا إليهم في صدر هذا الحديث. الشيخ دير الشيخ ربيع حفظه الله دي مي لي جون دو لا فيتنا اي لي جون دو مونسونج ديزين لي جون دو لا سنة انجستومون اي ديباسون لور ليميت. Comme quoi les gens de la sunna n'ont pas de comportement, qu'ils sont négligents au niveau du comportement. Et cette œuvre criminelle contre les gens de la sunna, c'est pas l'enfant d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se répète de la part des gens du faux. Le Mu'tazila et d'autres faisaient ceci déjà, dans les temps anciens de l'islam. Et alors, tête jahid ainsi que Naddam. Et ces menteurs contre les gens de la sunna, les premiers et ceux qui le suivent sont les gens les plus vils et le plus bas au niveau du comportement. Ils sont dans le mensonge, dans la trahison, dans le fait d'inventer des choses qui n'existent pas au niveau de leurs paroles, au niveau de leurs actes, et décrivant les gens de la sunna avec des choses qui ne sont pas en eux. Et il dit, Habidallahu ta'ala, et ces mauvais comportements dans lesquels sont tombés les ennemis des gens de la sunna aujourd'hui, et ce sont ces mêmes mauvais comportements dans lesquels sont tombés les ennemis de la sunna aujourd'hui. Et toutes les générations ont des gens qui les irritent. Surtout maintenant des gens qui sont déguisés par le déguisement de la salafia parmi ceux que nous avons cités auparavant dans cette recherche. C'est-à-dire parmi ceux qu'il a cités chers au début, qui sont qui? Adnan Al-Aour, Abul Hassan, Ali Hassan, et ainsi de suite, et tous ceux qui sont sur leur voie. Tu vois ici dans ce passage, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Rabi' nous montre que les gens de la Sunna sont les prioritaires à accomplir, qui accomplissent les comportements au niveau des croyances, au niveau des œuvres, contrairement à ceux qui les dénigrent parmi leurs ennemis. Et c'est ceux qui les dénigrent qui méritent d'être désignés par les dénigrements que cela, avec lesquels cela désigne les gens de la sunna. Ah, il faut être éveillé. Combien? Regarde, j'ouvre une parenthèse. Combien de fois tu entends les frères? Mais d'ailleurs, les salafis, ils n'ont pas de comportement. Eh ben, dans l'islam. Et des fois, hein? C'est du mensonge. Des fois, ça peut être vrai. Hein? Mais combien le fait, ce salafi qui a un mauvais comportement, il m'en veut qu'un mukhaddil ou qu'un ikhwan ou qu'un tablir. Il est mieux que lui. Et Inch'Allah, ce salafia va le remédier. Hein, il va le remettre sur les rails. Parce que le salafi, de par la nature et de par la voie avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, il accepte la vérité. Si tu attires son intention, il doit se soumettre à l'islam. Et je reviens à ce que nous cite Cheikh Rabi ici des paroles de Dr. Ibrahim. قال الدكتور إبراهيم في صفحة 15 إلى 16 ثالثا إن من المقاصد العظيمة التي حتى عليها الإسلام هداية الخلق إلى هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أخرجه الشيخان البخاري ومسلم فعلى من الله عليهم بالهداية إلى السنة يحرصوا على دعوة من ضل عن أهل السنة وقصر فيها إلى تحقيق السنة وأن يبدلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق وذلك بمخاطبة المدعوين باللين كما قال الله كما قال تعالى في خطابه لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى. Et Cheikh Rabi' de nous citer un autre passage dont la nasiha de Cheikh Ibrahim Ruhayli qu'il va critiquer, c'est à la page 15 jusqu'à 16. Il dit troisièmement, c'est-à-dire chez Cheikh Docteur Ibrahim, il dit troisièmement, il est du noble but, il est du grand but que l'islam incite à accomplir sur le fait de guider les gens vers cette religion, comme il a dit le messager alayhi salam, dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Hein, il a dit à Ali, quand il l'a envoyé à Khaybar, si Allah subhanahu wa ta'ala guide par ton intermédiaire un homme, un seul homme, c'est mieux pour toi que les chamils rousses. Mais le rouge, c'était une bête qui était très chère et très recherchée par les Arabes de cette époque. Et Dr. Ruhayli de dire, donc il appartient à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'être dans la guidance et d'être guidé dans la sunna, qu'il tient à appeler ceux qui se sont égarés de la sunna ou qui sont négligents dans l'accomplissement de la sunna, hein, et qu'il utilise tous les moyens possibles pour guider les gens et pour rapprocher leur cœur à accepter la vérité. Et il dit, ceci doit se faire en s'adressant à ceux qu'on appelle par la douceur, comme il est dit dans ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Moussa et à Haroun, où la traduction nous dit, allez vers Pharaon, car il a dépassé ses limites, et dites-lui une parole douce, peut-être il va arriver à se rappeler et à craindre Allah. فأمر الله من أخبر عن طغيانه وعلم أنه يموت على الكفر باللين فكيف بمن هو دونه من أصحاب المخالفة من المسلمين. الشيخ إبراهيم الرحيلي de dire الله سبحانه وتعالى a ordonné à être doux avec celui qui a dépassé ses limites et qui allait mourir. Allah subhanahu wa ta'ala sait que Pharaon allait mourir sur la mécréance. Il a ordonné d'être doux avec. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont pas dans la mécréance et qui sont des gens qui sont tombés dans des divergences parmi les musulmans? Et وكذلك مخاطبة المدعوين بالألقاب التي تتناسب مع مكانتهم وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بقوله إلى هرقل العظيم الروم وكان يكني عبد الله بن أبي بأبي الحباب وكذلك مراعاة الصبر على جفاء المدعوين ومقابلتهم بالإحسان وعدم استعجال استجابتهم قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الشيخ de continuer de faire cette citation dans ce passage qu'il veut critiquer et analyser, il dit Et la parole ici est à Cheikh Ibrahim Rouhaili. L'on est de même quand on s'adresse à ceux qu'on veut appeler. Il faut s'adresser à eux avec des noms qui s'y a leur rang et à leur place sociale. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il cite la preuve. Il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Irak quand il lui a écrit, il lui a dit à Irak, le géant de Rome. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donnait un surnom à Abdullah ibn Ubay, qui est la tête des hypocrites. Il l'appelait Abil Habab. Et Cheikh Rouhaili de dire, il faut aussi s'armer de patience. Quand on, notre da'wa, quand on a des gens qu'on prêche et qui sont sévères, et que leur sévérité et leur dureté, il faut lui faire face avec la bonté, avec la bienfaisance, et ne pas être pressé au fait qu'ils répondent à l'appel. Et il cite comme preuve le verset où il est dit, où la traduction nous dit ceci, et patiente comme on patientait les messagers doués de ferme résolution, et ne sois pas pressé pour eux, c'est-à-dire ne sois pas pressé pour ton peuple. Maintenant, Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala va débattre. Il va analyser ce passage, il va débattre avec Cheikh Rouhaili sur le fait qu'il appuie dans ce passage tout simplement sur le côté de la douceur dans la da'wa, et qu'il a négligé le côté de la dureté et de la fermeté. Yaqul Cheikh Rabi', aqul inna al-lina wal-rifqa wal-sabra la umur muhimma jiddan. ولا سيما في مجال الدعوة إلى الله لكن بقي عليك أمر آخر وهو ما إذا لم تجد هذه الأخلاق العظيمة عند بعض أهل الباطل من الكفار وغيرهم فالشدة تكون حينئذ هي الحل وفيها الحزم وإبراز قوة الحق. الشيخ ربيع يدير la douceur et la patience, ce sont des choses qui sont très importantes. Le doigté, la douceur et la patience, ce sont des champs très importants, surtout dans le terrain de la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a dit, mais il te reste une chose, une autre chose qui est importante. Compte ces nobles comportements, qui sont la douceur, le doigté et la patience, ne servent pas avec certains gens du faux, parmi les mécréants et d'autres. Donc la dureté et la fermeté, dans ces cas-là, devient la solution pour faire apparaître la puissance de la vérité. Il cite les preuves. Rahimahullah, ghafarallahu lah, wa atala umurahu fi ta'atillah. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Cheikh Rabi' de citer les preuves de la parole d'Allah. Il dit dans le verset, dans cette traduction approximative, Muhammad, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs et fermes avec les mécréants, cléments entre eux. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Et il dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci: ô prophète, combat les mécréants et les hypocrites, et sois dur et ferme avec eux, et leur demeure sera le feu de l'enfer, et qu'ils mauvaise demeure. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Et il est dit dans notre verset, dans la traduction approximative, que cite Cheikh Rabi ici aussi: ô vous qui avez cru, celui qui aposta de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va amener d'autres peuples qui vont l'aimer, et il va les aimer, qui seront doux et doux, modestes, humbles pour les musulmans, ils seront forts et fermes devant les mécréants. Ils combattent sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne craignent pas les critiques ni les réprimandes de qui que ce soit. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa science couvre tout. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Et Cheikh Rabi de nous citer un autre verset. Ô vous qui avez cru, combattez ceux qui vous sont proches parmi, qui sont proches de vous, et c'est pas le proche au niveau du son, parmi les mécréants, et qu'ils trouvent en vous la force et la fermeté, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux qui préservent ses droits. Donc tu vois ici dans ces textes qui nous a cité Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala, quand la douceur et le doigté ne servent pas la solution, c'est ce qu'il y a dans ces textes du Coran. Les textes du Coran ordonnent la fermeté et la dureté. Aimer, il faut la mettre à sa place. يقول الشيخ ربيع وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء أصحابه على هجاء قريش اي الرسول صلى الله عليه وسلم نجي الشيخ ربيع الرسول صلى الله عليه وسلم انسيتي les poètes parmi ses compagnons de dénigrer قريش et de faire des poésies dans laquelle il y a le dénigrement de قريش. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة نديق دون سحديث كرسول صلى الله عليه وسلم دي أهجو كريتيق قريش car c'est pire pour elle que le fait de tirer des flèches. Dire les paroles dans la poésie d'un poète étaient plus dures pour Quraysh que le fait de tirer par des flèches et par des lances, etc. فارسل الى ابن رواحه فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي فارسل الى كعب بن مالك ثم ارسل الى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه ثم ادلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لافرينهم بلساني فري الاديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فان ابا بكر اعلم قريش بانسابها وان لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. ايه الرسول صلى الله عليه وسلم انفوي شيخشي ابن رواحه الى دي ابن رواحه كريتيك قريش. Abu Rawah, dans sa poésie, il a critiqué Quraysh, mais il n'a pas sauvé, il n'a pas été à la hauteur demandée. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé chercher Ka'b ibn Malik, et après il a envoyé chercher Hassan ibn Thabit. Et quand Hassan ibn Thabit est rentré chez le prophète alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam a dit à Hassan, Hassan a dit, il est temps d'envoyer vers ce lion qui fait bouger sa queue, et il a commencé à mimer avec sa langue, et à faire bouger sa langue, et il a dit au prophète, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je vais les anéantir avec ma langue, comme s'anéantit la sauce, il est avalé par la langue, donc je vais les anéantir. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne te presse pas, Abu Bakr connaît la descendance de Quraysh. Et j'ai une descendance dans Quraysh. Va chez Abu Bakr pour qu'il te la cite et qu'il te la résume. Et fa'atahu Hassan ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. إيه حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه il est allé voir Abu Bakr al-Siddiq pour qu'il lui résume la généalogie de Quraysh et qu'il lui montre l'arbre, la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, j'ai été chez Quraysh, il m'a résumé, par Allah, je vais sortir ta descendance comme on tire de la descendance de Quraysh, comme on tire le cheveu de la pâte à pain. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. Et Aïcha de nous dire, j'ai entendu le messager d'Allah Azzawajal dire, alayhi salatu salam, Ahsan, Jibril est avec toi, il t'aide tant que tu défends Allah et son messager. Et il a dit aussi à Aïcha radiallahu anha, et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que Hassan les a critiqués, hein, et il est arrivé à s'assouvir lui-même et à assouvir les autres. C'est-à-dire parmi les compagnons d'Allah alayhim. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim dans les vertus du compagnon. وعن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجهم او هاجهم وجبريل معك اي البراء بن عازب كما لو rapporte شيخ ici il est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله et par مسلم رحمه الله عليه il dit البراء بن عازب dire j'ai entendu le messager d'Allah dire Hassan ibn Thabit critique-les attaque-les Jibril est avec toi hein. On regarde maintenant comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a incité Hassan ibn Thabit et les autres poètes à critiquer Adin Grik Quraysh. يقول الشيخ ربيع فإذا استطال أهل الباطل على أهل الحق بالطعن والتشويه والأكاذيب ومدح أهل الباطل فلا يسع أهل الحق إلا قمع أهل الباطل وبيان ظلمهم وافترائهم وكشف باطلهم. دي maintenant Cheikh Rabi' de nous dire si maintenant hein, les gens de l'innovation hein, ne cessent et les gens du fond ne cessent de critiquer les gens de la vérité et de défigurer leurs images hein, et de mentir sur eux et de faire les éloges du genre du faux et de l'innovation, donc il n'a pas, il appartient aux gens du faux d'anéantir les gens aux gens de la vérité d'anéantir les gens du faux et de montrer leur injustice, leur mensonge et de dévoiler leur faux. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ ربيع ومتع به وشافاه وعافاه واسكنه فسيح جناته واكرم وادام عمره في طاعته عز وجل. والقران والسنه فيهما الدعوه الى الرفق واللين وفيهما الشده على اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين بل حتى على العصاة من المسلمين. هذا اذا لم ينفع الرفق واللين والعفو والصفح. Et Cheikh de nous dire, Cheikh Rabi, dans le Coran et dans la Sunna, il y a la da'wa vers, avec doigté et avec douceur. Mais aussi il y a la da'wa avec la fermeté et avec la dureté. Concernant les juifs, les chrétiens, les associateurs, les hypocrites, même les désobéissants parmi les musulmans, si le doigté et la douceur ne servent pas et le pardon ne sert pas avec eux. Donc ici, Cheikh Rabi, il nous montre quoi? Il nous montre que dans le Coran et dans la Sunna, il y a la douceur lors d'être doux et d'être doigté, comme il y a l'ordre lors d'être ferme et dur. Donc on ne peut pas prendre qu'un seul côté à l'islam. يقول الشيخ ربيع فهذا أمر حتى عليه القرآن كما ترى لا ينبغي إغفاله في هذا المقام. الشيخ دو دير ça c'est quelque chose, le Coran a incité à le mettre en application comme tu le vois, donc il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le mettre de côté ou dans cette situation et à ce niveau là c'est à dire au moment où le docteur Ibrahim Rouhari il parlait de la da'wa et comment être avec pour guider hein, les créatures d'Allah, il aurait fallu qu'il parle du côté de la douceur, de la fermeté et du doigté, en même temps de parler de la fermeté et de la dureté. Hein? يقول والآيات والأحاديث الكثيرة الحاتة على الجهاد معروفة وكلها واردة في هذا المجال فكان يجب عليكم بيان هذا الأمر المهم. الشيخ ربيع دو دير les versets et les hadiths sont nombreux, incités, orientés vers le combat, ils sont connus et toutes ils vont dans ce sens là et concernant ce domaine là. Il dit donc il était de votre devoir de donner un éclaircissement sur ce point important. قال الشاعر الإسلامي دعا المصطفى ظهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. الشيخ ربيع دون سيتي لا بويزي دان بويت مسلمان كي دي que le prophète alayhi salatu salam a appelé à la Mecque un certain laps de temps, personne ne lui a répondu. Et il était doux, et il était d'un bon comportement et d'une douceur, et utilisant le doigté et la sagesse. Et il a dit, mais quand il a appelé avec l'épée, hein, ils se sont soumis à lui, ils sont revenus. Ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont embrassé l'islam, ils sont revenus. يقول الشيخ ربيع قال الدكتور إبراهيم في صفحة 17-18 رابعا ينبغي لطلبة العلم خصوصا الدعاة منهم أن يفرقوا بين المدارات والمداهنة، فالمدارة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة، جاء في لسان العرب مدارة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لألا ينفروا منه، والمداهنة مدمومة وهي متعلقة بالدين، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال الحسن البصري في معنى الآية ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم. تفسير البغاوي. إلى maintenant notre passage de docteur Ibrahim que nous cite Cheikh Rabi' ici, ce passage vient de la page 17-18. Quatrièmement dit docteur Ibrahim al-Ruhayli, il est du devoir du demandeur de science, surtout les prêcheurs parmi eux, qu'ils fassent la différence entre le mudarat et le mudahana. Le mudarat, c'est le fait d'être doux dans le comportement avec les autres et dans le fait de s'adresser à eux et d'utiliser la hikmah avec eux pour que, comme il est cité dans les salles arabes, pour qu'ils ne se sauvent pas de toi. Et que tu sois un bon compagnon avec eux, pour qu'ils te supportent, ils supportent ce que tu leur dis, pour qu'ils ne s'éloignent pas de toi. Le mudahanat, et c'est là il est demandé, le mudahanat. Mais le mudahanat, il est blâmé. Et il a rapport avec la religion. Comme il est dit dans le verset, dans cette traduction approximative, il dit, ils auraient aimé que tu les caresses dans le sens du poil. Comme ça, ils vont faire de même. Mudahana, c'est le fait de caresser quelqu'un dans le sens du poil, même s'il est dans l'erreur, tu le laisses dans les garments et tu le caresses, hein, tout est bon, tout est bien, tout est gentil, etc. Le Hassan serait de dire, concernant ce verset, ils auraient aimé que tu le caresses dans le sens du poil, dans leur religion, et que tu dénigres pas leur religion, comme ça ils vont faire du même pour ta religion. Hein, et ça, c'est tiré de l'explication de l'Baraoui du Coran. يقول الشيخ دكتور إبراهيم فالمدار يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه، والمداهن يتقرب للناس بترك شيء من الدين. إيه il dit que le mudari mudarat il est un petit peu doux dans le comportement et dans la façon de faire avec les autres sans délaisser quelque chose de sa religion. Le mudahin, lui qui caresse dans le sens du poil, se rapproche des gens en délaissant quelque chose de la religion. Ceci est très important à l'islam. Le mudahin, il délaisse quelque chose, il ferme les yeux sur quelque chose de la religion. Le mudahin ne ferme pas ses yeux sur quoi que ce soit de la religion. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرفقهم بالأمة، وهذا يمثل جانب الرفق واللين من هديه صلى الله عليه وسلم، وكان أقوى الناس في دين الله، فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان، وهذا بمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة. الشيخ Docteur Ibrahim, dans ce passage, lui dire, et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala était le meilleur des gens au niveau du comportement. Il est le plus doux de la communauté. Il est le plus doué de doigté et qui mettait les choses à leur place de la communauté. Et ça, ça représente le côté du doigté et de la douceur de sa voix, alayhi salatu salam, et de sa guidance, alayhi salatu salam. Mais il était aussi le plus fort dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il délaisse rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui que ce soit. Et ça, ça représente la force du prophète alayhi salam dans le fait de se cramponner à sa religion. Et ceci est en contradiction avec le fait de caresser dans le sens du poil. Yaqulu ad-doktor Ibrahim al-Ruhaili, فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، فإن من الناس من قد يظن أن مدالاة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل والسكوت عن الأخطاء، وكلا الفريقين مخطئ تائه عن الحق، فليتنبه لهذا الأمر، فإنه مزلق خطير لا يعصم منه إلا من منه إلا من وفقه الله وهداه. إيه دكتور روحيلي de dire dans ce passage cité par Cheikh Rabi حفظه الله تعالى, il est du devoir des demandeurs de science de prendre en considération cette différence entre les deux choses, car il est des gens qui croient que le fait d'être bon avec les gens et d'être doux avec eux, c'est une faiblesse dans la religion, et c'est du tamayyu, le fait d'être avec tout le monde et de vouloir être avec tout le monde. Un autre groupe croit que le fait d'être doux avec les gens, c'est de les réconforter dans leurs faux et de se taire sur leurs erreurs. Et les deux côtés sont dans l'erreur, ils sont loin de la vérité. Et il dit, Cheikh Ibrahim Ruhali, donc il faut faire très attention à ça, et à cette grande, énorme glissade et dangereuse glissade, de laquelle n'est préservé que celui que Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Aqoul, aïe, Cheikh Rabi' de dire, Aqoul, awalan, hada al-kalam fi al-tafriq bayna al-mudarat wal-mudahanat kalam jayyid. الشيخ مبايل دي ومع هذا فإنه يحتاج إلى توضيح أكثر ولا سوق الأذلة الكافية لبيان الأمرين، فإن كثيرا من الناس لا تكفيهم الإشارة أو العبارة الموجزة، لكن هناك من يغرق في المداهنات ويرى أن هذا من الحق من الحكمة وليس من المداهنة. الشيخ ربيع دي نديغ premièrement ces paroles dans lequel il y a la différence entre le mudarat et le mudahanat, ce sont des nobles paroles, de très belles paroles. Et en bas de la page, il dit, mais ils ont besoin d'un peu plus d'éclaircissement et de ramener des preuves suffisantes pour nous éclairer sur les deux points. Car beaucoup de gens, ça leur suffit pas de faire allusion à une chose ou d'utiliser des expressions très courtes. Et ceci est vrai, à l'islam. Hein? Tanien. هناك أناس مع الأسف يغتاظون من الرد على أهل الباطل والأخطاء ويتحمسون لموالاتهم والدب عنهم ويجفون ويتنكرون لمن يردون الباطل والأخطاء ويغدلونهم أشد الخذلان ويوهمون الناس أن هذا من الرفق والحكمة وهذا من أشد أنواع البلاء والمنحن الأمر الذي جرأ الأهل الباطل على التمادي في باطلهم ونشر فتنتهم على مستوى العالم. وليت هذا الصنف يدركون عواقب مواقفهم الخطيرة. نسأل الله لهم الهداية والبصيرة وإدراك واجبهم في نصرة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. Deuxièmement, Cheikh de nous dire, Cheikh Rabi Hafidhahullah, il dit, mais il y a des gens, malheureusement, qui deviennent malades. Hein? Quand on réplique aux gens du faux, quand il y a la réplique aux gens du faux et aux erreurs du gens hein, du faux, ils sont enthousiastes à s'allier avec eux et à les défendre. Ils sont durs vis-à-vis de ceux qui répliquent aux faux et qui répliquent aux erreurs, et ils les faiblissent d'une grande faiblesse. Ils essayent de les faire faiblir de toute leur force. Et ils donnent l'illusion aux gens qu'agir ainsi fait partie du doigté et de la sagesse. Et ça, c'est la plus grande des épreuves. Ce qui a fait, ceci a donné l'audace aux gens du faux à errer et à continuer dans leur faux et à propager leur fitna au niveau du monde entier. Et c'est cette catégorie, hein, savait les mauvaises fins et leur position très dangereuse. Qu'Allah subhanahu wa demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance et la clairvoyance et le fait de comprendre, qu'ils comprennent leur devoir dans le fait de faire triompher vis-à-vis du fait de faire triompher la da'wah de Muhammad alayhi salatu wassalam, et qu'ils ne doivent pas, hein, faiblir devant les réprimandes et les critiques de qui que ce soit. Donc tu vois, akhal islam, que dans le fait que Ibrahim al-Ruhayli, docteur Ibrahim al-Ruhayli, a fait la différence entre le mudahanat, le mudarat et le mudahana, c'est très bon comme il a dit Cheikh, mais il a besoin d'un peu plus de détails et de ramener d'autres preuves, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comme ça en faisant des allusions et avec des expressions. Et tu vois aussi Akhal Islam sur le terrain, beaucoup caressent les gens de l'innovation dans le sens du poil. Il faut que le fait de caresser les gens de l'innovation dans le sens du poil, que ça c'est la hikmah. Et ça c'est la douceur et le doigté. Il blâme les gens de la sunna quand ils répliquent aux gens du faux, et quand les gens de la sunna rejettent le faux. Et ça, tu vois comment ça donne l'audace, comme l'a montré Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, aux gens du faux à continuer dans leur faux et de ne pas prêter attention. قال الدكتور إبراهيم في صفحة 19 يلا باش 19 الدكتور إبراهيم الرحيلي يلدي خامسا للدعية في دعوة الناس مسلكان شرعيان دلت عليهما النصوص، مسلك التأليف والترهيب ومسلك الهجر والترهيب، ويخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد، بل يسلك مع كل مخالف ما هو أرجى في قبوله للحق ورجوعه للصواب. Docteur Rabi, docteur Ibrahim Ruhayli, dans ce que nous cite ici, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, de la page 19 de la Nasiha du docteur Ibrahim Ruhayli, il dit cinquièmement, le da'i a deux voies légiférées qu'il prend de la da'wa qu'il fait aux gens. Deux voies. La voie de les rallier et d'être doux avec eux, et de les inciter au bien, et ainsi de suite. Et la voie de les délaisser, et de leur faire peur. Et il dit, tombe dans l'erreur celui qui va généraliser ses devoirs avec tout un chacun. Mais il faut utiliser et prendre la voie avec tout un chacun qui est en divergence avec la voie, il faut prendre la voie qui lui convient et qui va le ramener à accepter la vérité, à revenir vers la vérité. يقول فإن كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في إصلاحه فهو المشروع في حقه وإن كان الهجر هو الأنفع فهو المشروع في حقه. Il dit maintenant, c'est le fait de le rallier, d'être doux avec, c'est ce qui va être bénéfique au divergent. Donc, et pour le refermer, pour qu'il revienne vers la vérité, donc il faut l'utiliser. Et si le hajj, le fait de le mettre à la quarantaine, c'est le mieux pour lui, donc il faut utiliser le hajj. يقول فمن سلك مسلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر فهو مقصر مفرط ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف فهو منفر متشدد. Il dit, et toujours les paroles sont à Cheikh Dr Ibrahim Rouhayli, que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et celui qui prend la voie de la douceur avec celui qui mérite la mise en quarantaine, celui-là il est négligent. Et celui qui prend la voie de la mise en quarantaine qui est le hajr avec celui qui mérite, hein, le fait d'être doux avec lui, celui-là est un munafir, c'est quelqu'un qui est dur, qui va faire éloigner. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. Et Docteur Rouhani cite des paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit, et cette mise en quarantaine est différente par rapport à la différence qu'il y a dans les positions de ceux qui vont mettre à la quarantaine. Si celui qui va mettre à la quarantaine est la puissance, s'il est en puissance, s'il est en faiblesse, s'ils sont nombreux ou ils sont peu nombreux. Tout ça est à prendre en considération, comme il est dit dans la parole de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Yaqul Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans ce qui est cité ici par Cheikh Dr. Ibrahim Rouhaili, fa inna al-maqsoud bi zajru al-mahjour wa ta'dibu wa rujou'u l'ammati an mitli hali. Il dit parce que le but, c'est de réprimander celui qu'on met à la quarantaine et de le rééduquer. Et pour que le commun ne fasse pas comme lui. يقول فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا. Il dit toujours les paroles d'Ibn Taymiyyah, c'est l'intérêt dont ceci est apparent et que le fait de le mettre à la quarantaine va faire faiblir son mal et alléger son mal, dans ces cas-là, le fait de le mettre à la quarantaine est légiféré. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر. Il dit, si maintenant ni celui qu'on met à la quarantaine ni les autres, le commun, vont prendre la leçon et revenir, mais le mal va augmenter. Et celui qui met à la quarantaine, il est faible, et que la mafsada, le mal qui va en décoller, est beaucoup plus grand que la maslaha. Hein? Dans ces cas-là, il n'est pas légiféré de faire l'hajr, la mise en quarantaine. بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. Dans ces cas-là, le fait de rallier le cœur de certains et d'être doigté avec eux et doux avec eux est mieux que le fait de le mettre à la quarantaine. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. Et l'hajr, la mise en quarantaine pour certaines personnes est mieux que le fait d'être doux avec eux. يقول ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين. Il dit pourquoi, c'est pour ça que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a été doux avec certaines personnes pour rallier leur cœur et il mettait à la quarantaine d'autres personnes. يقول والكلام لا زال ابن تيمية وهذا كما أن المشروع في العدو القتال طارة والمهادنة طارة وأخذ الجزية طارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 206. Il dit comme il est légiféré concernant les ennemis, des fois il est légiféré le combat, des fois il est légiféré de rentrer avec lui en paix, des fois il est légiféré de prendre la dîme, le jizya. Tout ça selon les situations et les intérêts. Et les réponses des imams, comme l'imam Ahmed et d'autres, à ce chapitre, sont basées sur ce fondement. Ceci est pris du recueil du Fatawa, tome 28, à la page 206. Et toujours les paroles de Ibn Taymiyyah que cite Ibrahim al-Ruhayli ici. ويقول رحمه الله مبينا خطأ تعميم الهجر أو التأليف دون مراعاة الأصل السابق فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية. انتهى من مجموع الفتاوى من الصفحة 213 المجلد 28. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, dans ce que cite Cheikh Dr. Ibrahim al-Ruhayli ici. Il dit rahimahullah, éclairons l'erreur de ceux qui font que le hajr, qui généralisent le hajr ou généralisent la douceur sans prendre en considération ce fondement qui est le fait d'évaluer entre le bien et le mal et d'évaluer les situations. Et cher l'Islam de dire, il y a des gens qui ont fait que ceci est général. Donc ils ont utilisé la mise en quarantaine et le blâme, hein, d'une situation qui ne peut, hein, d'une façon qui n'aura pas été ordonnée. Hein? Et des fois, ils ont délaissé certaines obligations ou certaines choses préférables. Donc, ils ont délaissé, ils ont utilisé le hasr et le blâmable et le fait de blâmer d'une façon qui ne leur a pas été ordonnée. Hein? Ni obligatoire, enfin, il n'est pas obligatoire, il n'est pas du domaine de d'une façon qui n'aura pas été ordonnée, ni du domaine de l'obligatoire, ni du domaine de surrogatoire. Et des fois, ils ont délaissé des obligations et des choses qui sont préférables à faire. Ils ont fait des choses qui sont interdites. Et de l'autre côté, d'autres se sont détournés complètement. Ils n'ont pas mis à la quarantaine. Ils n'ont pas délaissé ce qui leur a été ordonné de délaisser parmi le mal et les innovations. Et ceci est pris dans Jumu'a al-Fatawa, tome 28, à la page 213. Et maintenant avec le détail de et la critique de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, et l'analyse plutôt de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Yaqoul, وتمام كلام شيخ الإسلام ما يأتي بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره لا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به فهذا ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله سبحانه أعلم. إيه الشيخ ربيع دير إلى فان pour compléter la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il ramène les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, ils ont délaissé d'une façon comme celui qui donne le dos tout simplement. Ils n'ont pas délaissé de la façon de celui qui s'arrête et qui déteste. Ou alors ils sont tombés dedans. Ou alors ils la délaissent. Le délaissement de celui qui reçoit l'interdiction, qui déteste, mais ils ne l'interdisent pas à autrui. Et ils ne châtient pas avec le fait de mettre en quarantaine aux autres celui qui mérite ce châtiment. Dans ces cas-là, ils ont négligé l'interdiction du mal. Ils ont négligé ce qui leur a été ordonné obligatoirement au niveau du préférable. Ils sont entre le fait de mettre en application le munkar ou de délaisser le fait de blâmer le munkar. Et ça, c'est le fait de mettre en application ce qui leur a été interdit et délaisser ce qui leur a été ordonné. Et ça, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est un juste milieu entre celui qui est à l'extrême et qui est à laxiste. Et sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait. Donc ici, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, de compléter ce qu'a rapporté des paroles d'Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, pour que la situation devienne claire. Il va analyser maintenant. Il dit, Aqoul, وهنا أمران ينبغي التنبه لهما. Il dit ici, il y a deux points auxquels il faut faire attention. أولهما من هو الذي يقدر المصلحة الراجحة أو العكس. Premièrement, qui doit déterminer l'intérêt ou le contraire ou le mal? Qui doit le déterminer? ثانيا ينبغي أن تعلم ويعلم الناس أن في هذه الفتنة التي تعالجها إنما الذي يبدأ بالهجر هو من يثير الفتن والشغب. Deuxièmement, des Cheikh Rabi', il faut que tu saches, en s'adressant à Dr Ruhayli, il faut que tu saches et que les gens chassent que cette fitna que tu veux, à laquelle tu veux remédier, celui dans cette fitna, celui qui commence avec le hajj, c'est celui qui attise la fitna. يقول يقعد فلقد وقع المغراوي في فتنة طويلة الديون أنكرناها عليه فناصحناه وناصحه العلماء وصبرنا عليه كثيرا فلم يرجع عن باطله. إيه الشيخ ربيع دير المغراوي tombé dans une énorme fitna très longue. Nous l'avons blâmé, nous avons blâmé cette fitna, nous l'avons conseillé, et d'autres hommes de science l'ont conseillé. Nous avons été patients avec lui beaucoup, il n'est pas revenu de son faux. ثم فاجأنا بأمر غريب ووحدت أتباعه الذين درستهم مدة طويلة بهجري ومقاطعة دروسي وهجر تلاميذي فنفذوا ذلك ولم يكتفوا بالهجر بل جاءوا بما هو أشد منه وهو إثارة الفتن والشغب على السلفيين في بلاد الحرمين وفي غيرهما من البلدان كالإمارات. إيه شيخ ربيع دو ندير إيه المغراوي نوزا سيغبخي avec quelque chose d'étrange, c'est qu'il a incité ses disciples, auxquels j'ai enseigné une longue période, qui étaient mes élèves à une longue période, de délaisser et de ne plus venir à mes cours, et de mettre à la quarantaine mes élèves. Ils ont mis en application son ordre. Ça leur a pas suffi tout simplement de mettre à la quarantaine, mais ils ont ramené pire que ça. C'est qu'ils ont attisé la fitna sur les salafis, que ça soit dans Bilad al-Haramain ou dans d'autres pays comme l'Emirat et d'autres. Et si je te rappelle, frère en Allah, Azzawajal, je te rappelle, là, je t'ouvre la parenthèse. Jami' al-Hawi, qui contient les erreurs d'Al Mghraoui, qui a été envoyé par l'intermédiaire de la voix droite, par notre frère Sidati, par l'intermédiaire de la voix droite au prêcheur Salafi. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient beaucoup, la description de beaucoup de cette fitna qui a eu lieu à Médine et à Mecca. Et avec tout ça, certains parmi les prêcheurs de la voix droite, essayent de minimiser et ne veulent pas voir le soleil en plein zénith. Maintenant, je pose la question à ceux qui disent que, comme il sort dans certains mails, que les erreurs ponctuelles, elles sont où? Comme l'a dit Abbas et d'autres, que les erreurs de Mghraoui, ce sont des erreurs ponctuelles. Regarde la fitna qu'il a attisé le Mghraoui. Aux Émirats, à Bilad al-Haramain, ses élèves, comment il a incité ses élèves à délaisser les cours de Cheikh Rabi' et à faire le hijr aux élèves de Cheikh Rabi'. Ils ont mis en application. Et pas tout simplement au Haramain, dans d'autres pays. Et aux Émirats et ailleurs. Et on revient à ce que a écrit Cheikh Rabi' ici, Habidallah. يقول وكان الطلاب السلفيون يشتكون من تحرشات هؤلاء المتحزبين فأمرهم بالصبر والإعراض عنهم ثم هم لا يزالون على حالهم هذه من سنوات لا يرجعون عن باطلهم بل أضافوا إلى ذلك حربهم لأهل السنة في شبكات الإنترنت هذا مع انسجامهم مع أهل البدع والضلال. Et les étudiants salafis ne cessent encore de nos jours de se plaindre de ce que font ces Hizbi. Ils viennent se plaindre à Cheikh Rabi', et Cheikh Rabi' de leur dire patientez, donnez le doigt à tout ça. Et ces Hizbi ne cessent de continuer sur la même situation depuis 10 années. Ils ne reviennent pas de leur faux. Ils ont rajouté à ça la guerre qu'ils mènent maintenant contre les gens de la Sunna à travers les sites d'internet. Et tout ceci en concordant, en mettant la main dans la main avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Et regarde, Akhi. Et avec ça, on veut nous faire passer Cheikh Rabi' et ceux qui sont sur sa voie d'être les attisseurs de la fitna. Subhanallah al-Azim. Comment les gens, ils veulent renverser les situations? Subhanallah. Comment ils veulent, à tel point que certains Regarde, quelqu'un il appelle Abdelmalek Ramadani de Libye. Il lui dit, il y a certains de nos jeunes qui sont influencés par les idées d'El Halabi, par le Halabi, etc. Et lui-même, il lui dit, moi je suis influencé par le Halabi, par ses idées. Mais Cheikh Rabi, il l'a critiqué et ainsi de suite. Et Cheikh Ahmed Bazmoun a écrit un livre, etc. Et ce livre a reçu l'aval de Cheikh Rabi, etc. Il lui a dit, est-ce que Cheikh Rabi est un prophète? Et partant de là, les jeunes ignorants de France disent au visage des frères Salafi, qui leur ramène les répliques avec les preuves de Cheikh Rabi et de Cheikh Rabi, et vous avez fait de Cheikh Rabi un prophète. Aoudou billah. Quitte à Cheikh Rabi lui-même, il dit, je ne suis pas épargné de l'erreur. Et les salafis, quand ils respectent leurs hommes de science, ils ne les adorent pas à l'islam, ils adorent Allah. Et ils ne croient pas qu'en quoi leurs hommes de science sont épargnés de l'erreur. Abadan. Combien de fois Cheikh Rabi a écrit son retour sur certaines choses? Il dit Astaghfirullah, il écrit sur des choses sur lesquelles attirent son attention ses élèves et d'autres. Éveillez-vous, frères en Allah Azzawajal et sœurs en Allah Azzawajal. Et sachez le filet dans lequel on vous veut faire tomber. Ne soyez pas aveugles, ouvrez vos cœurs à la vérité et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne la clairvoyance. يقول الشيخ ربيع ثم وقع أبو الحسن وحزبه في فتنة أكبر وأشد قد بينتها في عدد من الكتب وبعد مناصحات طويلة وعدم استجابتهم لمناصحات العلماء وتماديهم في الباطل بدأون بالهجر ومع كل هذا وغيره يرمى ربيع والسلفيون بأنهم هم الذين يرتكبون الهجر المدموم فأين الإنصاف وأين العقول. Et Cheikh Rabi' de dire, et Abou al-Hassan, ils sont partis, ils sont tombés dans la grande fitna. Et pire, il dit tout ceci, j'en ai donné des éclaircissements dans beaucoup d'écrits, dans beaucoup de livres, après de longs conseils, et de longues périodes de conseils. Et comme ils n'ont pas répondu aux conseils des hommes de science, et quand ils ont continué dans leur faux, c'est eux qui nous ont commencé, qui ont commencé à nous mettre dans la quarantaine. Et avec tout ça, on dit de Cheikh Rabi et des salafis que c'est eux qui font la mise en quarantaine blâmable. Où est l'équité? Où est la justice? Où est la raison? يقول الشيخ حفظه الله وليعلم المنصفون العقلاء أن هذا الصنف الذي ابتلي به السلفيون ممن لا يجدي معهم لا الرفق ولا اللين ولا تدعهم القوة فهم من أشد الناس عنادا وتماديا في الباطل والفتن ومع ذلك يجدون من يؤويهم ويتباكى لهم. الشيخ ربيع دون دير cette catégorie, c'est-à-dire ce parti d'Abou al-Hassan, de l'Mghraoui, de leurs disciples et d'Abou Ishaq al-Houani, toute cette partie-là, dit Cheikh Rabi, dire il faut que ceux qui sont doués de raison et ceux qui sont justes, que cette catégorie avec laquelle sont éprouvés les salafis, la douceur, le doigté, la hikma ne sert pas avec eux, ne les remet à leur place que la dureté et le fait d'être ferme. Ils sont les pires des gens qui sont entêtés, ils sont dans un grand entêtement. Ils ne cessent de continuer, de plonger et d'avancer dans leurs faux et dans les fitanes. Et malgré tout ça, ils trouvent des gens qui les accueillent et qui pleurnichent pour eux. Allah Azza wa Jal, il faut que tu saches que dans cette fitna, que vous les remédiez, à laquelle vous les remédiez, Rahayli, que ceux qui ont commencé la mise en quarantaine, ce sont ceux qui ont attisé la fitna. Et Cheikh t'a donné un exemple avec le Mghraoui. Et les exemples sont nombreux maintenant. Abou al-Hassan et Ali Hassan et son site, Kullu al-Khalafiyin plutôt que Kullu al-Salafiyin. C'est Kullu al-Khalafiyin qu'il doit s'appeler. Et Cheikh nous a montré que ceux-là, ils ont reparti. La douceur, le doigté ne sert pas avec eux. Il n'y a que la force et la fermeté. La fermeté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans sa religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la bonne voie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des gens de la vérité. Et qui s'allient pour la vérité. Et qui se disent à vous pour la vérité.